approche d'un péage autoroutier. Ce panneau interdit de faire demi-tour à cet endroit. Celui-ci signifie un accès interdit aux piétons à cet endroit. En fait, je ne peux pas déposer un piéton ici, ni m'arrêter pour me reposer ou faire quelques mouvements sur le bas-côté. En revanche, à hauteur de la barrière de péage, je risque effectivement de rencontrer des piétons. En effet, des employés peuvent se déplacer dans cette zone, ainsi que des agents des forces de l'ordre. Je ralentis, bien sûr. Réponse A.